Section 8 de « Pâques d'Islande » par Anatole Le Braz. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Pâques d'Islande dans le Yeun. Récit de Noël. Entre le vieillard et l'enfant, dit le proverbe, il n'y a que la vie, et la vie est si peu. Parmi les récits de Noël qui ont bercé mon enfance, je n'en sais pas de plus triste que l'histoire de l'enfant du Yeun. Le Yeun est un vaste marais, à demi desséché, une espèce de tourbière immense, d'aspect funèbre, qui s'étend à perte de vue au pied du Ménez Mikkel, sur le revers méridional des monts d'Arrée. C'est de tous les paysages de la Bretagne intérieure le plus grandiose et aussi le plus sauvage que je connaisse. L'été, la steppe marécageuse s'étale au soleil, verte ou rose, violette ou blonde, suivant les caprices de la lumière. Des bruits d'insectes, le froufroutement ailé dans les joncs d'une sarcelle ou d'un pluvier troublent à peine l'absolu silence. L'hiver, elle se transforme en un lieu de sabbat où se rue le troupeau mugissant des tempêtes. Elle devient alors une sorte d'arène sinistre, ouverte à tous les vents qui s'y étreignent et luttent et râlent avec des clameurs désespérées, d'épouvantables hurlements. On se demande alors comment des hommes peuvent accepter de vivre au milieu de ces horizons farouches, dans cette nature sombre et déshéritée. Car il a tout de même ses habitants, le marais. Bien clairsemé, il est vrai, et d'une complexion toute primitive. Il n'en forme pas moins, sur le pourtour du Yeun, 4 ou 5 familles, enracinées là depuis des siècles, sans contact, sans rapport les unes avec les autres, séparées qu'elles sont par d'énormes distances, n'éprouvant d'ailleurs aucun besoin de rapprocher leur solitude. Vous leur entendrez dire « Nos fumées se voient, pour le reste, à chacun sa maison ». Chaque demeure se tient, en quelque sorte, repliée sur elle-même. Mais, devant le même foyer, se pressent parfois plusieurs générations. On vit très vieux en ce pays de tourbe, d'eau stagnante et de misère noire. Les faibles sont tout de suite supprimés. La fièvre, une fée noiraude, dit-on, vêtue de loques, leur tord le cou de ses doigts osseux. Les forts résistent longtemps, atteignent à un âge presque biblique. L'air salubre des monts voisins conserve ce que la malaria du Yeun n'a point détruit. Et puis, elle est si calme, la vie, en ces parages. Son cours est si lent, si monotone, qu'il ne va ni ne vient. C'est une somnolence, une torpeur, pareille à celle des mares brunes dans les tourbières. Elle ne s'use, si l'on peut dire, que par évaporation. Ici, comme partout, les gens se sont façonnés à l'exemple des choses. Ils sont devenus les captifs du Yeun. Leurs pensées, comme leurs regards, reflètent la morne étendue. Les silences profonds de l'espace et ses retentissantes colères ont également contribué à les rendre taciturnes. Ils n'échangent entre eux que de rares paroles, et non, au reste, rien à se raconter. Ils sont la proie d'un rêve éternel, imprécis et incommunicable. 1. Une des 4 ou 5 masures qui bordent le Yeun est connue sous le nom de Kankam. Elle occupe la base du Ménez Mikkel, à l'angle que fait la grande route de Morlaix avec le petit chemin montueux de Saint-Riwal. Le logis est de misérable apparence. Les murs en sont de pierres schisteuses, au ton de lave grise, à peine liées d'argile grossière. Le toit d'ardoise s'effondre par endroits, rongé comme par une lèpre, laissant voir à nu les solives carriées, le bois malade de la charpente. Au-dessus de la porte pend un bouchon de gui, presque aussi ancien que la bâtisse, et qui aurait vite fait de s'évanouir au vent, n'était l'étoile d'araignée qui l'enveloppe et le maintiennent. Kankam est une auberge triste, qui ne loge ni à pied ni à cheval, mais où s'arrêtent néanmoins de temps à autre quelques rouliers de passage ou quelques pilawer. Note, chiffonnier, nomade, fin de note, en tournée. Très souvent, il n'y a personne en la demeure quand le voyageur se présente, hormis un ancêtre, vieux de près d'un siècle, momifié sur la pierre de l'âtre. On se sert soi-même, en ce cas, et l'on dépose sa pièce de dessous sur la table, au pied du verre qu'on vient de vider. La confiance des aubergistes en ce pays de pauvreté n'a d'égal que l'honnêteté des passants. Du moins, en était-il ainsi il y a quelque 30 ou 35 ans. La maisonnée se composait à cette époque de 6 personnes. D'abord, le Tadiou-Coz, le bisaïeul, qui entrait dans sa 98e année. Sa fille, Radégonda Nanès, restée veuve de bonne heure et alors presque septuagénaire. Son petit-fils, homme rude et farouche, un peu en deçà de la 50aine et qui ne se connaissait lui-même que sous le sobriquet de loup du marais, Blaise Arieoun, la femme de celui-ci, pauvre créature à mine dolente, et enfin leurs 3 enfants, une fillette et 2 garçonnets. Le Tadiou-Coz achevait de mourir dans le coin de la cheminée d'où il ne bougeait plus. Ses membres étaient devenus si raides qu'ils semblaient les branches inertes d'un tronc desséché. Et, comme d'autre part, il poussait les hauts cris dès qu'on feignait de le vouloir transporter, soit pour le mettre au lit, soit pour lui faire prendre l'air sur le seuil, on avait fini par le laisser jour et nuit à la même place, de sorte qu'il s'était comme incrusté à son banc, en une pose d'idole barbare, les mains appuyées aux genoux, les pieds collés au foyer. On eût tôt oublié qu'il était là, sans le bruit régulier de son râle. On le nourrissait de bouillie d'avoine qu'on lui versait dans la bouche, comme à un enfant, avec une cuillère en bois. Radégonda s'était longtemps chargée de ce soin, mais l'âge l'ayant rendue percluse et aveugle, Blaise Arieoun avait dit à Liétic, la fillette, « Désormais, c'est vous qui donnerez à manger au vieux père et qui nettoierez sous lui. » Celle qui portait ce joli nom de Liétic, diminutif d'Aliette, allait sur sa 12e année. Elle tenait de sa mère une santé frêle et délicate, et elle passait pour avoir l'esprit aussi chétif que le corps. On disait son entendement borné parce qu'elle avait toujours l'air d'être ailleurs quand on lui parlait, et qu'elle demeurait la plupart du temps sans répondre. On avait voulu l'envoyer, avec ses frères, à l'école mixte de Saint-Riwal, derrière la montagne. Mais l'institutrice avait dû renoncer à lui apprendre ses lettres. De même, au catéchisme de la paroisse, Liétic faisait le désespoir du bon vieux recteur. Non qu'elle ne fût très docile, très sage, très appliquée, en apparence, à bien écouter, mais les leçons ne se fixaient point dans son petit cerveau, aussi mou que les torbières détrempées du Yéon. Un jour, après une instruction fort longue et fort complète sur le mystère de la Sainte Trinité, le recteur l'interpella, persuadé que, cette fois du moins, elle aurait saisi « Combien y a-t-il de personnes en Dieu, mon enfant ?» Et, comme Liétic le regardait de ses yeux trop grands, de ses yeux de somnambule éternel, « Voyons, dites avec moi, il y a en Dieu 3 personnes qui sont le Père. »« Ah oui !» interrompit vivement l'étrange créature, « le Père, la Mère et le Fils. » On pense de quels éclats de rire les autres catéchistes saluèrent cette hérésie. Le recteur haussa les épaules et dit sur un ton de commisération profonde « Ne riez point, Liétic, voilà, Liétic est une innocente. » À partir de ce moment, elle ne fut plus, pour les gens de la contrée, que l'innocente du Yéon. Ses parents durent se résigner à la garder chez eux. Ils lui en voulurent fort, le père surtout la rudoyait, la considérant comme une bouche inutile, quoiqu'elle ne mangeât guère plus qu'un oiseau. Il avait compté la faire entrer, vers ses 12 ans, à la ferme de Roquinaire, où, comme petite servante, elle eût gagné 5 francs par an, plus 2 aunes de toile, 3 paires de sabots et une boisselée de grains de blé noir. Maintenant, c'était fini, ce rêve. On ne gâche pas une innocente. Blaise Arieoun était furieux contre sa fille à cause de cette pièce de 100 sous qu'elle ne rapporterait jamais à la masse commune. Liétic avait de lui une peur terrible. C'était elle pourtant qui allait chaque matin, sur les 10 heures, lui porter sa soupe de pain de seigle dans les tourbières où il travaillait. Elle courait, aussi légère qu'une sarcelle, sur ce sol élastique tout imbibé d'eau. Le père n'aimait pas qu'on fît attendre sa faim. Au retour, dès qu'elle se sentait hors de la vue du tailleur de mottes, elle flânait volontiers, s'attardait à cueillir et à souffler dans l'air les houppes de fin duvet dont le Yéon s'étoile dans la belle saison, comme des flocons d'une neige de printemps. Elle n'avait pas à redouter les remontrances de sa mère, désintéressée de tout, absorbée dans la pensée de son mal. Grand-maman Radégonda non plus n'était pas méchante. Elle se désolait seulement de ce que la petite fût trop faible d'esprit pour apprendre à tricoter. Sa manie à elle, c'était le tricot. Elle passait les jours et une partie des nuits à faire cliqueter les aiguilles entre ses doigts osseux, longs et minces, comme des pattes d'araignée. Elle s'acharnait à ce travail avec une ténacité mécanique, y trouvait une sorte de volupté, la seule peut-être dont elle eût jamais joui. Ses prunelles éteintes brillaient alors d'une lueur falote, comme si les petits éclairs d'acier glissant à travers la laine rousse se fussent reflétés dans ses yeux. Quant au garçon, depuis le précédent hiver, Liettik ne les voyait plus que le dimanche, à la sortie de la messe. Tous deux étaient devenus gardeurs de vaches dans des métairies du pays de Saint-Rivoil. On se rencontrait un instant, au cimetière, parmi les tertres herbeux des tombes, à l'endroit où étaient enterrés les anciens de la famille. Ils demandaient à leur sœur, « Dis, Liettik, est-ce que le vieux râle toujours ?» Elle répondait « Oui » de la tête, et la conversation le plus souvent se bornait là. Liettik eût préféré qu'ils ne lui parlassent point du vieux. Le Tadiukoz lui inspirait une épouvante mêlée d'horreur. C'est à peine si elle osait lever les yeux sur lui. Il lui apparaissait comme un personnage étrange, vaguement surnaturel. Sa figure et ses mains avaient l'air d'être en pierre, et le crin qui lui hérissait le menton et les joues ressemblait à de la mousse grise des rochers de la montagne. Son immobilité, surtout, effrayait l'enfant. Elle se le représentait comme un homme trépassé depuis longtemps et que la charrette de l'Ankou, note, personnification masculine de la mort en Basse-Bretagne, fin de note, dont on entendait parfois, dans le silence des nuits d'automne, grincer le sinistre essieu, oubliait ou dédaignait de charger. Il n'était pas jusqu'au râle strident, continu du vieillard, qui ne la confirma dans cette idée. Un être ordinaire n'eût pu faire sans répit, durant des mois et des mois, ce grand bruit rauque, ce raclement si affreux, toujours le même. Liettik avait tenté de l'imiter une fois qu'elle errait seule dans le Yeun, elle en avait eu la gorge déchirée, comme par une scie. Elle se donna garde de recommencer. Sur les confins solitaires du marais se sont créées de sombres légendes. On montre, au centre de l'immense fondrière, une crevasse traîtresse que voilent de longues herbes aquatiques et dont personne, au témoignage des habitants du pays, n'a jamais pu sonder le fond. C'est l'ouverture béante du puits infernal, quelque chose comme l'orcus breton. On l'appelle le Yudik, ce qui veut dire « bouillie molle ». C'est là que, de tous les points de la Bretagne, on amène les conjurés, les revenants mauvais que l'autre monde rejette, et que la terre des vivants ne tient pas du tout à reprendre, à cause des vilains tours qu'ils ont coutume de jouer aux gens. Il faut, pour en avoir raison, qu'un prêtre intrépide les touche du bout de son étole et les fasse passer dans le corps d'un chien noir. On traîne alors l'horrible bête au Yudik et on l'y précipite, en ayant soin de détourner la tête et de se signer par trois fois. Or, de l'aveu de Radégonda, le Tadiukoz, en son temps, avait conduit plus d'un chien noir en laisse jusqu'au trou fatal. Qui sait si, par rancune, le troupeau des âmes malfaisantes ne l'avait point condamné à rester cloué jusqu'au jour du jugement au banc maudit de l'âtre de Corncam. Il y avait dans le voisinage des langues de commères qu'il avait laissé entendre devant Liettik. 2. On devine l'effet terrifiant que produisirent sur elle les paroles de Blaise Arion. Désormais, Liettik, c'est vous qui prendrez soin du vieux. La pensée lui vint de s'aller noyer dans le marais. Mais, si simplette qu'elle fût, elle avait retenu des enseignements du recteur qu'une chrétienne ne doit point se périr. Et puis, même morte, elle ne voulait pas tomber dans la promiscuité néfaste des âmes du Yudik. Quant à résister aux volontés de son père, cela n'était point parmi les choses possibles. Elle se soumit donc, au prix d'une torture atroce, d'une sorte d'agonie morale, d'un lent et muet naufrage où le peu d'intelligence qui survivait en elle acheva de sombrer. D'innocente qu'elle était, elle devint idiote. Dans la ruine totale de cette âme d'enfant, un seul sentiment persista. La peur du vieux, irritée, exacerbée encore des contacts incessants qu'elle fut obligée d'avoir avec lui. Chaque fois qu'il lui fallait l'approcher, elle était prise d'un tremblement nerveux qui augmentait sa maladresse native, de sorte que ce qui était un supplice pour elle en était un autre pour le Tadiukoz, habitué aux mains expertes et prestes de sa fille Radégonda. Il en témoignait son mécontentement à sa façon, en s'interrompant de râler pour pousser une espèce de hurlement sourd, comme d'un chien enroué qui aboie à la lune. Liettik, alors, affolé, se sauvait, hurlant aussi, bondissait hors de la maison, traqué, croyait-elle, par une meute de chiens noirs, et ne s'arrêtait qu'à bout d'haleine, ensuite de quoi le loup du marais, pour la raisonner, bleuissait de coups sa pauvre chair blême. Aux pluies d'automne, Radégonda Nanès détendit dans la douceur du dernier sommeil son corps noué de rhumatisme. Ses restes furent transportés au cimetière de Saint-Riwal dans un char à banc attelé de deux bœufs et d'un bidet de montagne. Pendant que le menuisier clouait le cercueil, Blaise Ariéoun fit tout haut cette réflexion. Savoir si le vieux se doute de ce qui se passe. Il ne se peut pas que le bruit du marteau sur les planches de la mort ne lui fasse point tourner la tête. Son attente fut déçue. Le Tadiukoz garda sa rigidité morne. Seulement, le soir, quand Liettik, après avoir fini de cuire sa bouillie d'avoine, lui présenta la première cuillerée, il refusa d'ouvrir les lèvres. Et, sur ses joues, dures et sèches, tannées comme du cuir, l'enfant vit rouler deux larmes. Deux larmes presque aussi grosses que les pleurs symboliques qu'on a coutume de peindre en blanc sur le bois noir des catafalques. Elle se mit elle-même à sangloter, sans savoir pourquoi. Les jours suivants, il se trouva qu'elle eut moins de répugnance à soigner le vieux, et qu'elle dormit la nuit sans rêver qu'il s'asseyait sur elle pour l'étouffer. Mais, avec les longs et tristes crépuscules d'hiver, tous ses effrois lui revinrent. Novembre passa, traînant ses glas, ses funèbres gémissements de cloches, et décembre parut, le mois très noir. C'est une saison particulièrement lugubre dans ces parages des monts d'Arrée. Tout le jour, toute la nuit, le vent de l'Atlantique s'engouffrait dans les gorges de la montagne. Puis, rencontrant les libres espaces du Yeun, s'y donnait carrière comme une tore affolée, avec des plaintes, des cris, des meuglements, de grands appels rauques, des bruits immenses et mystérieux. Parfois, il semblait que la maison oscillât, tournât sur elle-même, ainsi qu'une barque en détresse sur une mer démontée. Les vieilles ardoises du toit claquaient de peur, les armoires s'ouvraient sans qu'on sût comment, et les poutrelles de la charpente, prises d'une sorte de fièvre, se mettaient à trembler. Ces soirs-là, Liettik, qui avait son lit creusé comme une tanière de bête dans la cage de l'escalier, restait, des heures et des heures, étendue sur sa couchette de balles d'avoine, sans faire un mouvement, regardant de grandes choses noires se mouvoir dans les ténèbres qui la terrifiaient, et n'osant plus fermer les yeux à cause des lumières étranges qui se glissaient alors sous ses paupières et s'y livraient à des sarabandes effrénées. Elles montaient, descendaient, se croisaient, s'emmêlaient, pareilles à de gigantesques araignées de feu. Ces épouvantes n'étaient pas les seules. L'enfant eût souhaité devenir aveugle, mais plus encore eût-elle souhaité devenir sourde, car ce qu'elle croyait voir n'était rien auprès de ce qu'elle s'imaginait entendre. Les mille voix de la tourmente la glaçaient d'horreur. Elle retentissait à son oreille, pleine de menaces. Jadis, il y avait de cela 3 ou 4 ans, le loquet de la porte avait été remué, comme par quelqu'un demandant qu'on lui ouvrît. Blaise Ariéoun avait crié à la petite, du fond de son lit clos, près de l'âtre, « Liettik, levez-vous et tirez le verrou à celui qui loquette !» Vite, elle avait sauté hors de son trou sombre, avait passé son jupon de tricot, avait couru ouvrir, toute grelottante. Et voilà qu'au dehors, il n'y avait personne, personne ni rien, si ce n'est le marais, bleuâtre, au loin, sous la lune, avec des vapeurs, de grandes formes blanches, qui fuyaient, éperdue, à fleur de sol, fouettée par des lanières invisibles. Liettik avait dit à mi-voix, « La route est vide, père. »« C'est bien, » avait répondu le maître de Corncam, « recouchez-vous. » Puis, se retournant vers sa femme, il avait grommelé, « Il a toutes les ruses, ce diable de vent. » Cette parole quelconque s'était gravée comme au fer rouge dans le cerveau simple de Liettik. Et le vent, depuis lors, était demeuré pour elle un être énigmatique et fantomal, un personnage ambigu, ni vivant ni mort, une espèce de vagabond farouche, de juif errant de l'espace, fait de ténèbres animées et hurlantes, ennemi des arbres, des maisons et du candide sommeil des enfants. Puis, cette clameur sauvage, c'était comme le râle du vieux, élargi, infinisé, étendu à toute la nature, de sorte que Liettik en était arrivé à concevoir le monde sous la forme d'une tourbière immense, baignée l'été d'un trop rapide soleil, peuplée le reste du temps de figures grimaçantes, de monstres bizarres et inquiétants, de pauvres petites âmes en détresse. Elle tâchait de se distraire de ses pensées en songeant au paradis. Mais c'était si loin, le paradis, et si haut. D'ailleurs, elle trouvait assez déplaisant d'y aller, comme grand-maman Radégonda, dans une caisse. Elle souhaitait, quant à elle, de s'y rendre à pied, en compagnie de son bon ange, de ce bon ange qu'elle invoquait sans cesse, à qui elle faisait confidence de son martyre dans ses prières du soir, et qu'elle eût voulu plus visible, afin qu'il la rassurât mieux. Dût-elle ne voir de lui que le bout blanc de son aile. Un matin, elle s'éveilla, toute heureuse, après s'être endormie en larmes. Dans l'intervalle, elle avait rêvé gai, et, sur les pas des beaux rêves, sourdes parfois des joies obscures qui vous inondent le cœur. Il était tombé de la neige pendant la nuit, une pâle neige d'Occident, répandue comme une poussière de diamants sur les choses. Le Yeun était magnifique à voir, paré de toute cette blancheur. Le vent s'était tu. Liettik alluma le feu, prépara la soupe du père. « Quel temps fait-il ? » demanda celui-ci en s'étirant. « De la neige partout, » répondit l'enfant. « Partout, partout, » insista-t-elle. Et sa petite figure chétive rayonnait presque. « Oh bien, » dit Blaise Arieun à sa femme, « on ne m'attrapera donc pas aujourd'hui du côté des tourbières. Des vols de canards ont été signalés vers Bodmeur. Si le diable ni les gendarmes de Braspar ne s'en mêlent, je rapporterai ce soir ma charge de bec jaune. » Il se leva, chaussa ses souliers de braconnage, décrocha son fusil appendu au manteau de la cheminée et sortit. Liettik passa la plus grande partie de la journée assise à croupeton sur la marche du seuil. Le vaste paysage neigeux l'enchantait. Jamais encore, si loin qu'elle remontât dans ses souvenirs, elle n'avait vu au Yeun cet aspect imposant, cette majesté rigide, ce silence religieux. Un ciel d'azur mat, sans un nuage. L'air était d'une transparence de cristal. Le regard plongeait, comme à travers une eau limpide, à des distances infinies. Par-delà le cercle des montagnes accoutumées, Liettik en vit surgir d'autres dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Des clochers, inaperçus d'elle jusqu'alors, pointèrent aux limites extrêmes de l'horizon. Elle eut la révélation d'un univers plus grand. Sa faible imagination en fut comme débordée, et elle ne bougea guère de la porte jusqu'au soir, les mains pelotonnées dans son tablier à cause du froid, l'esprit perdu dans un engourdissement de rêves qui tenait du vertige. Aux premières ombres du crépuscule, une haute silhouette noire se dessina sur le fond gris-blanc des solitudes assombries. C'était le père qui rentrait. Il n'avait rien tué. Les canards avaient dû fuir vers le sud. Puis, des tourbiers, des camarades, rencontrés à Bodmeur, l'avaient retenu à boire avec eux. « Ah, à propos » fit-il la langue un peu pâteuse. « Comme je traversais les terres de Kergombou, j'ai trouvé l'aîné de nos gars qui s'en venait vers ici. Ses maîtres l'envoyaient nous prier à réveillonner en leur compagnie. Il y aura des andouilles et de la hure. » « C'est pourtant vrai, » gémit la femme de sa voix dolente, de malade. « C'est nuit de Noël, cette nuit. » « Te sens-tu la force de faire la route ? Le temps est assez doux, tu sais. Tous ceux de Kergombou nous attendront à l'office de nocturne. » « Ma foi, il y a des années que je n'ai mangé d'andouille. Cela fera peut-être du bien à mon mal. Alors, apprête-toi. » Liettik n'avait pas fait mine d'écouter la conversation. Agenouillée sur la pierre de l'âtre, elle tournait machinalement la bouillie pour le repas de l'ancêtre. « Souperas-tu avant de partir ? » demanda Blaise Arieun à sa femme. « Moi, je tiens à me garder l'estomac libre. »« Moi aussi, » répondit-elle. « Si ça ne va pas, je prendrai un bouillon à Saint-Riwal, chez les Lannuzel, avant la messe. » Elle acheva sa toilette, épingla son châle, posa sa coiffe sur ses cheveux maigres et grisonnants. Blaise Arieun dit à Liettik, « Passez-moi un tison, que j'allume le fanal. » L'enfant sursauta. Elle était livide. De grosses larmes ruisselaient sur ses joues. Une angoisse d'épouvante se lisait dans ses yeux. Suppliante, les mains jointes, elle cria vers son père « S'il vous plaît, ne vous en allez pas. J'ai trop peur. Pas seul, oh, pas seul, avec lui !» L'homme haussa les épaules. « Couchez-vous, si vous avez peur, » grogna-t-il. Tandis que sa femme, ayant fini de s'ajuster, ajoutait, en manière de consolation, de son éternel ton pleureur, « Sois bien raisonnable, et je te rapporterai dans mon mouchoir ta part du réveillon. » Ils allaient sortir. Liettik, affolé, s'accrocha aux jupes de sa mère. « Mam, mam !» D'un geste brutal, Blaise Arioun la repoussa dans l'entrée, et, entraînant sa femme, il tira violemment la porte derrière lui. Liettik s'abattit, à plat ventre, sur le sol de terre humide, à l'endroit où les rouliers avaient coutume de stationner, et, selon l'usage, dégoûter leur verre après avoir bu. Elle s'abattit là, dans la boue, ainsi qu'une pauvre loque humaine, les bras noués autour de la tête, pour ne plus rien entendre, ne rien voir. Mais quoi qu'elle fît, elle l'entendait quand même, le sinistre râle du Tadiukoz. Dans le silence de la nuit, ouaté de neige, et dans le vide de la maison, il devenait plus strident, plus lugubre. On eût dit le bruit ininterrompu d'un soufflet de forge, avec des fuites par où l'air s'échappait en sifflant. Et elle ne pouvait non plus s'empêcher de le voir, lui, le vieux, redoutable et mystérieuse figure d'ombre, sculpté en quelque sorte à l'intérieur de la cheminée, avec l'âtre pour socle, semblable à la statue d'un antique dieu du foyer. Une chandelle de résine fixée en face de lui à une tringle de fer l'éclairait d'un reflet trouble, vacillant, fantastique. Hanté par l'image obsédante du vieillard, Liettik n'osait faire un mouvement, de peur d'attirer son attention. Elle essaya cependant de gagner en rampant le trou qui lui servait de lit. Brusquement, elle s'arrêta. L'escabeau de chêne sur lequel était accroupi le Tadiukoz venait de gémir. Elle dressa la tête. Son cœur battait à se rompre dans l'attente de quelque chose d'horrible. Et elle vit, en effet, un spectacle qui la glaça jusqu'aux moelles. Les bras arc-boutés en arrière au dossier de son siège, le vieux, qu'elle avait toujours vu immobile comme un bloc de granit, s'efforçait de se mettre sur ses jambes, dont les jointures craquaient. « C'est fini de moi, » pensa Liettik. « Il va venir, il va m'étrangler et sans doute me traîner au Youdik, comme il faisait autrefois pour les chiens noirs. » Elle crut sentir dans sa chair ses ongles acérés et durs comme des griffes, et, s'affaissant au pied de l'escalier, non sans avoir esquissé un dernier signe de croix, elle s'évanouit. Fin de la section 8.